Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La petite exhortation que je voudrais faire, ça me vient vraiment du cœur, c'est que nous sommes un en Jésus-Christ. Quand vous regardez les doigts de la main, il y a chaque doigt est dans son coin, mais ils sont tous reliés à la base, la main. Le Seigneur a distribué les ministères et les dons dans son œuvre, comme il le veut. Mais nous avons besoin les uns les autres, frères. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il y ait de l'amour les uns pour les autres. C'est très important. Parce que le monde, l'amour n'est pas dans le monde. Dans le monde, on fait semblant. L'amour du monde, c'est l'amour charnel. Charnel. Je t'aime. Charnel, je t'aime, charnel. Quand un homme dit à une femme dans le monde, tu es belle, je t'aime. Il pense au sexe, il pense au sexe. L'amour du monde est charnel. Chérie, je t'aime. Il s'imagine déjà des choses avec toi. C'est charnel. Mais l'amour de Dieu est spirituel. Bien-aimé. Nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons être sages. Parce que même si on remplit tous les lieux de culte le dimanche, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ne l'est pas. Attention, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Même si on est dimanche à l'église. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'obéir à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as vu le pasteur boire le vin au quartier. Ne fais pas comme lui. La soeur qui chante à la chorale a un copain. Ne fais pas comme elle. Le salut est personnel. La Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu vient voir un homme. L'autre, il y a l'abomination dans Sodome et Gomorre. Je vais détruire cette zone-là. Toi, il faut que tu sors, toi et ta famille. Ne regardez plus en arrière. Je vais détruire. L'autre dit, ok Seigneur, moi, j'obéis à ta parole. L'autre sort de Sodome et Gomorre. Gomorre avec sa femme. Sa famille. Mais madame, elle a le cœur dans Sodome. Madame pense à ses boîtes de nuit. Madame pense à sa cigarette. Madame pense à ses copines mondaines. Madame dit, merde, comment je vais vivre quand même toute ma vie était dans Sodome et Gomorre. Mes amis sont restés. Mes copines. Mon Dieu, je laisse les boîtes de nuit, je laisse le vin, je laisse la bière, je laisse la prostitution. Je ne peux plus fumer, tout ça reste à Sodome, mais ma vie est à Sodome. Je m'en vais où? C'est tellement, ça tourne tellement dans sa tête qu'elle, non, elle cherche, elle regarde. Vous connaissez l'histoire, elle a été frappée sur le champ. Mais regardez le comportement de l'autre. Sa chérie a regardé derrière. L'autre dit, Dieu a dit, avance. L'autre fonce tout droit devant. Il ne se détourne pas. Si mon mari ne veut pas croire en Dieu, lui c'est le monde qui l'intéresse. Moi ce n'est pas mon problème. Moi je fonce avec Jésus. Si mon épouse, Dieu ce n'est pas sa tasse de thé, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, Jésus a dit ça, moi j'obéis à Jésus. Si ma femme retourne au vomissement, on allait tous à l'église. Maintenant, elle a repris à fréquenter à les anciennes fréquentations du monde. Moi, j'avance avec Jésus. Cette heure est arrivée. On n'est plus à l'époque où il fallait suivre les gens pour les suivre. Le salut est personnel. Nul. Tu es sorti du ventre de ta mère. Nul, tu partiras. Tu seras seul dans ton cercueil. Vous ne serez pas en groupe dans le même cercueil. Tu vas aller rencontrer ton Dieu seul, pas en groupe, seul. Et tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi l'autre a dit, même si ma femme se retourne, moi, j'avance avec mon Dieu. J'obéis à ce que Dieu m'a dit. Ce temps-là est arrivé. Même si vous êtes ensemble dans les lieux de culte dimanche, je connais un jeune homme. Il avait coupé avec la cigarette. Il avait coupé avec l'alcool. Il était ivrogne. Il fumait le cannabis. Le Seigneur l'a touché. Son grand frère de même père, même mère, qui est religieux protestant, un jour lui a dit, oh, les gens là sont en train de vous mentir. Dieu n'a jamais dit de ne pas boire. Tiens, prends la bière. Et avec le temps, cela a réveillé l'envie de boire à ce jeune homme. À l'heure où je vous parle, il ne met plus pied à l'église. Il est redevenu ivrogne. Son grand frère a été pour lui une occasion de chute. Si la femme de l'autre regarde derrière, l'autre fonce. Si tes copines regardent derrière, avance avec Jésus. Si ton mari ne veut pas suivre Dieu, toi avance avec Jésus. Jésus a dit, de deux personnes qui seront sur le même lit, une sera sauvée, l'autre non. Le salut est personnel. Ne fais pas parce que les autres font. Suis le Seigneur. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Ne regarde pas les autres. Fais comme l'autre. L'autre aime sa femme. C'est sa chérie. Ne dis pas, l'autre ne fait pas comme Adam. Ma chérie Ève mange le fruit. Moi aussi je vais manger. Ma chérie mange. Moi je fais ce que ma chérie fait. On est deux ensemble. Son pied, mon pied. Son pied, mon pied. Ce qu'elle fait, je fais. On est à deux. Non, l'autre dit, chérie, toi tu regardes en arrière. Pas moi. Moi je ne viens pas avec toi. Ne fais pas parce que le pasteur fait, si tu sais que c'est mauvais. Il y a des pasteurs adultères. Ne le suis pas. Les gens ont posé une question à Jésus. Mais, à propos des pharisiens, qu'est-ce que Jésus dit? Faites ce qu'ils vous disent de faire, mais n'agissez pas selon leurs actes. Parce que les pharisiens, ils lisaient la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des pharisiens. Et comme il lisait la Bible, Jésus dit, la parole qu'il vous prêche, pratiquez-le. Mais si eux vivent dans le faux, ne les suivez pas. Tu ne connais pas le jour de ta mort. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les gens. Peut-être qu'il te reste une semaine. Qui sait? Reste fidèle à Dieu. Parce que le jour de ton départ va te surprendre. Mais la Bible dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Dieu te donne des jours de vie, pas pour les choses de la terre, mais pour que tu te prépares. Parce que ton départ peut arriver à tout moment. À tout moment. C'est Dieu qui connaît ton jour. Reste en règle avec Dieu. Ton départ peut être peut-être dans une semaine ou dans un mois. Ce n'est pas partir qui est mauvais. Mais c'est mauvais de partir quand on n'est pas en règle. Parce que quand tu vas aller en enfer, les démons vont applaudir. Oh, bravo! Ils vont se moquer de toi. De la même façon, celui qui va au ciel, les anges applaudissent. Ouais! Gloire à Dieu! Donc mon frère, l'heure est arrivée. Ou ma soeur, ce n'est plus le moment de faire parce que l'autre fait, même si tu sais que c'est mauvais. Soyons fidèles au Seigneur. Suivons l'autre, soyons comme l'autre. Dieu nous a dit de sortir. Celui qui regarde en arrière, c'est son affaire. Moi, je ne regarde pas. Je fonce avec mon Dieu parce que je dois sauver mon âme. Le salut est personnel. Le salut n'est pas une affaire de groupe. Si ma femme ne veut pas suivre ce que Dieu a dit, moi, je suis Dieu. Ne faisons pas comme Adam. Ma chérie a mangé, moi aussi je mange. Je mange ce que ma femme mange. Ah non! C'est pas agréable à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tout le monde est attaqué. Tu seul, ma soeur. Tu n'es pas la seule. Chacun dans un domaine est attaqué. Et je vous dis que dans ces temps de la fin, toutes les personnes qui veulent faire la volonté parfaite de Dieu seront attaquées. Le diable est jaloux de ton âme. Le diable est jaloux de ton salut. Un salut gratuit. Quand il voit ça, quand il voit les flammes de l'enfer, il se dit, merde, moi je vais aller dans le feu et ces gens-là vont aller dans la vie éternelle. Pas question. Je vais les arrêter. Je vais utiliser les faux hommes de Dieu. Ils croiront que c'est des serviteurs de Dieu. Et ces loups-là vont les égarer. Ces loups-là vont les éloigner de Jésus. Et c'est ce que font les loups. Alors, ils vous montrent les miracles et délivrances dans les vidéos pour vous séduire. Et vous allez quitter les églises pour aller les rencontrer. Non seulement eux gagnent l'argent, mais Satan lui gagne les âmes. Parce que vous devenez les disciples de ces gourous-là. Et ces gourous-là ne sont pas les serviteurs de Dieu. Dieu ne les connaît pas. C'est Satan qui les connaît. Donc quand tu les suis, tu deviens disciple du diable. Parce que tu es en train de suivre l'envoyé du diable. Donc tu es maintenant dans le camp du diable. Sans le savoir. Parce que cet homme te dit qu'il est pasteur alors que c'est un faux pasteur. Tu n'es plus sur le bon terrain. Tu n'es plus avec Jésus. Tu es maintenant avec le diable. C'est ce que je tenais à vous dire. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu subis, persévère jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse.